Chapitre 9. Nouveau malheur. L'abbé Sulpice se trouvait dans le cabinet de son père et compulsait de nombreux papiers quand Mademoiselle Pomerol entra. La jeune fille, vêtue de noir et portant plus encore dans son cœur que sur son visage le double deuil de son père et de son bonheur, resta un moment immobile et sans parler devant son frère. Elle le contemplait avec un sentiment de compassion mêlé d'une admiration profonde, et cependant il semblait que la grande tendresse qu'il lui inspirait jadis s'était amoindrie dans son âme. Elle le jugeait désormais trop grand. Sabine revenait de la conciergerie. Elle y était allée accompagnée par Baptiste, qui l'avait attendue dans la salle du greffe, et elle avait appris de la bouche de Xavier la scène qui s'était passée la veille entre les deux frères. Le premier sentiment qu'elle ressentit fut celui de la stupeur, le second une sorte d'effroi causé par la vertu de Sulpice qui, au point de vue humain, semblait si près de la cruauté. À partir de ce moment, tout l'élan de son cœur se tourna vers le prisonnier. Elle ne vit plus que lui de malheureux, elle le plaignit seul. Cette âme chrétienne, pourtant chaste et douce, eut une heure de défaillance. Sabine n'aurait point conseillé à Sulpice de trahir l'inviolable secret de la confession, mais s'il l'eût fait pour sauver son frère, le courage lui aurait manqué pour l'en blâmer. Le malheur de Xavier lui semblait si complet, si épouvantable, qu'elle ne songeait plus au martyre de Sulpice. Hélas, dans ces heures d'horrible souffrance, durant cette épreuve à laquelle ne se fut soumis aucun homme, Sulpice, au contraire, aurait eu besoin d'entendre une voix amie et consolatrice. Jamais la tendresse affectueuse de Sabine ne lui parut plus désirable qu'à l'heure où elle lui faisait défaut. Il ne l'accusait pas, cependant. Pouvait-il exiger de cet enfant la force surhumaine qu'il devait à son sacerdoce? Était-il en droit de vouloir que Sabine s'élevât à la même hauteur que lui? Quand Sulpice se rendit compte de ce qui se passait dans l'âme de sa sœur, il sentit quel serait son abandon, son délaissement. Il comprit qu'il serait lapidé par les hommes, maudit par Xavier, que ses frères en sacerdoce l'approuveraient seuls et qu'il n'appartiendrait qu'à Dieu de lui envoyer la consolation. Ces pensées traversèrent son esprit, tandis que Sabine, silencieuse, le regardait avec une fixité pénible. « Tu l'as vu ?» demanda Sulpice. « Je l'ai vu. Il attendait son avocat. Et t'a-t-il parlé de moi ?» Sabine hésita. « Oh, tu peux tout dire !» fit le jeune prêtre. « Une douleur de plus ne brisera pas davantage mon cœur. »« Je ne comprends pas !» dit Sabine en secouant la tête. Et elle ajouta d'une voix plus basse, et comme si elle eût rougi des paroles qu'elle prononçait. « Je ne me comprends pas moi-même. Je me croyais élevée par toi à l'école de tous les dévouements, et il me semblait jadis que, si dure que fût une vertu, elle me trouverait prête au sacrifice. Eh bien, cela n'est pas. Non, cela n'est pas, Sulpice. Moi, ta sœur, ton élève, ta fille spirituelle, je ne saurais plus te suivre dans les routes désolées, où il plaît à Dieu de te conduire. Toute ma compassion reste là-bas. Je ne te trahis point, je ne t'accuse pas, et je le sens avec une sorte d'horreur, je te délaisse et je le préfère. » Sulpice prit la main de sa sœur. « Ne t'accuse pas, dit-il, et va vers lui. Console-le, puisque la consolation jaillit de ton cœur et coule de tes lèvres. Pendant ce temps, si le prêtre garde sa bouche scellée, l'homme agira sans repos et sans trêve. Il est un être que je dois chercher, trouver, attendrir, qui peut me relever de mon serment et dont j'achèterai peut-être l'aveu au prix d'une fortune. Cet homme, il faut que le ciel le replace sur ma route et j'en garde l'espérance. À chacun sa part, Sabine. Si je dois succomber sous le fardeau d'une douleur inconnue peut-être aux hommes, ne me plains pas de ce martyre. Dieu m'en tiendra compte. Mais pleure sur Xavier. Dévoue-toi à ce malheureux enfant. Fais descendre dans son âme la résignation. Nous nous verrons peu durant les jours qui vont suivre. L'œuvre de la justice se poursuit dans l'ombre et je dois lutter contre elle. « Me pardonnes-tu de ne pas t'égaler ?» demanda Sabine. « Hélas, ma sœur, répondit l'abbé Pomerol, si j'étais abandonnée à mes propres forces, je sais trop jusqu'où descendrait ma faiblesse. » Ils se serrèrent les mains longuement. Leurs lèvres tremblaient, leurs yeux se voilaient de larmes. Enfin, ils répétèrent un adieu étouffé, et Sabine rentra chez elle. Tandis que le prêtre poursuivait sa tâche et que la jeune fille traçait, sur le mémorial de la famille, les douloureuses impressions de cette journée, Léon Rameau se rendait à la conciergerie pour avoir une première entrevue avec Xavier. Léon Rameau était âgé de 28 ans. Né dans le Midi, il avait, sous son chaud soleil en face de la mer, puisé le goût des grandes choses, des ambitions juvéniles, de la poésie et de l'éloquence. Il apprenait avec une facilité prodigieuse. Ses examens comme élève de l'école de droit furent des triomphes, et son début émerveilla les vétérans de l'ordre. Rameau possédait un rare talent d'inspiration. Médiocre avocat consultant, peu fait aux subtilités de la chicane et dédaignant l'argutie, il se prenait de passion pour une cause embrouillée, difficile, dramatique, y portait soudain la clarté, en faisait jaillir la lumière, puis, s'emparant du côté humain de la cause, il en tirait le double parti d'un romancier et d'un avocat. Tout conspirait pour assurer des succès dont il était joyeux sans vanité. Il avait une belle tête, régulière de traits, pâle de ton. Ses grands yeux noirs lançaient des flammes, sa voix puissamment timbrée possédait ses cordes qui remuent. Il trouvait des mots imprévus, des effets spontanés. S'il n'entraînait pas toujours les juges, il exerçait du moins une influence incontestable sur les jurés, et le ministère public redoutait fort un semblable adversaire. Quand Bénédicte Fougeret vint offrir à Léon Rameau de se charger de la défense de Xavier Pomerol, le jeune avocat tendit les deux mains au sculpteur. « Sois tranquille, lui dit-il, ce n'est pas de l'art qu'il faut déployer ici, mais du cœur, et grâce à Dieu, j'en ai dans la poitrine. Certes, la cause semble presque désespérée, et ce malheureux se débat dans les mailles d'un filet qui l'enserre de tous côtés. Mais nous trouverons bien le moyen de briser le filet et de délivrer ce pauvre garçon. » Quand je songe combien je l'ai vu gai, heureux, insouciant, comme il jetait sa vie aux quatre vents du plaisir, quelle jeunesse prodigue, quel entrain endiablé, le beau joueur et l'aimable convive, tout cela pour aboutir à une accusation entraînant la peine capitale. Aujourd'hui même je le verrai, et, je te le jure, Bénédicte, si Dieu m'a donné quelque génie, je l'emploierai pour le défendre. « Merci, dit Bénédicte, merci. Xavier n'est pas seulement pour moi un compagnon de mes jeunes années, le fils de mon bienfaiteur, il est presque mon frère. Tu épouses Sabine Pomerol ? Son père nous fiança la veille de sa mort, mais depuis j'ignore ce qui s'est passé dans l'esprit de Sabine. Elle s'éloigne de moi. Hier, elle a refusé de me recevoir. Elle m'a fait dire que son deuil la condamnait à la solitude. » Son deuil, n'en ai-je point ma part? Garde-t-elle le droit de me priver de la consoler quand elle a placé sa main dans la mienne en me disant « Je serai votre femme »? Il faut que tu sauves Xavier Pomerol pour me rendre en même temps mes espérances d'avenir. Je comprends ce que mademoiselle Sabine n'ose te dire encore, Bénédicte. Riche, jeune, honorée, elle pouvait unir sa vie à ta vie. Si une condamnation frappait Xavier, la malheureuse fille garderait toute sa vie le double deuil de l'honneur de sa famille et de sa tendresse pour toi. Oui, oui, tu as raison, Léon. Il faut acquitter le frère pour que la sœur me soit rendue. Les deux jeunes gens ne se quittèrent qu'à la porte de la conciergerie. Bénédicte rentra dans son atelier et le jeune avocat fut introduit près de son client. Il le trouva complètement abattu. Tout concourait depuis 2 jours à le briser sans relâche. Le corps et l'esprit succombaient à la fois. Sa crise de colère passée, quand il en vint à se souvenir des paroles de Sulpice, à se répéter que le meurtrier de son père habitait Paris, qu'il suffisait d'un mot pour que la justice s'en emparât et lui rendît la liberté, il demeura comme écrasé. 2 jours avant, il luttait contre l'accusation et protestait de son innocence. À cette heure, il n'en avait plus le courage. À quoi bon ? La partie n'était-elle pas perdue d'avance ? La vue de son avocat le réveilla soudainement de son atonie. Ce beau et vaillant jeune homme qui se déclarait son champion lui prit subitement le cœur. Devant l'avocat convaincu de son innocence, il rougit de sa faiblesse. Pour la première fois, il parla cœur ouvert, étala ses blessures, raconta les moindres épisodes de ce drame encore incompréhensible pour lui, chercha de quel côté pouvait jaillir la lumière. À mesure que Léon Rameau classait les faits, prenait des notes, il devenait de plus en plus convaincu que jamais son client n'avait même effleuré du doigt les billets de banque que dans une heure de délire il avait songé à s'approprier. Mais en même temps surgissaient des difficultés graves. Sa conviction suffirait-elle au juré ? En présence des faits accusateurs, de quel poids seraient ses présomptions en faveur de Xavier ? Certes, il s'agissait de jouer une partie difficile, plus rude qu'aucune bataille livrée encore par le jeune avocat. L'opinion publique se montrait complètement défavorable à Xavier. Depuis près d'une année, les fils de famille donnaient de terribles exemples. Xavier venait clore une longue liste de viveurs émérites, terminant par le crime une précoce jeunesse dépensée en folles orgies. Il fallait un exemple à ces jeunes gens. Il devenait nécessaire d'apprendre aux pères de famille, qui ne contenaient plus leur fils dans la route du devoir, que ces misérables enfants leur feraient un jour payer cher une faiblesse plus coupable que tendre. On criait depuis longtemps que la nouvelle génération était pourrie. Il s'agissait d'en retrancher un membre gangréné. Rameau connaissait le diapason de l'opinion et trouvait plus difficile de lutter contre elle que d'entraîner les membres du jury. Il ne dissimula point la vérité à Xavier, mais il se servit des difficultés mêmes présentées par la tâche pour l'aider à retrouver son courage. « Seul, je ne puis rien, lui dit-il. Avec vous, je suis fort. Votre attitude à l'audience, vos réponses me viendront grandement en aide. En attendant le grand jour de la lutte, rassemblez vos souvenirs, notez tout ce que vous croirez me pouvoir être utile. D'ici à quelques jours, je verrai l'abbé Sulpice. Vous n'en obtiendrez rien, rien, fit Xavier. Vous vous trompez. J'obtiendrai de l'homme, du frère, ce qu'il a le droit de révéler à la justice. Or, voici ce qu'il peut dire sans mentir à son caractère. 2 hommes se trouvaient dans l'escalier de l'hôtel au moment où il rentrait. Ces 2 hommes l'ont emmené. C'est pendant qu'il se trouvait avec eux qu'à l'aide d'une comédie monstrueuse, on a tiré parti de son devoir de prêtre pour l'obliger au silence. Et qui vous dit qu'on croira à cet acte mystérieux d'un drame qui semble être fait à plaisir ? On le croira parce que votre frère viendra l'affirmer. Sa réputation de dévouement, de sainteté, ne permettra à personne de mettre sa parole en doute. Si bref que soit ce témoignage, il me suffira. Le président des assises, les jurés, les juges, devineront la vérité qu'il est interdit au ministre de Dieu de révéler. Ils sauront déjà que le vrai coupable existe, et il ne leur restera plus qu'à rendre la liberté à un malheureux. « Vous avez raison, monsieur, et je m'attache à cette espérance. »« Allons, » dit Rameau, « bon courage. D'ici la bataille, je viendrai tous les jours. » Pendant que Sabine portait aux prisonniers ses consolations, que Léon Rameau pâlissait sur le dossier de Xavier, que le malheureux jeune homme s'abandonnait tour à tour à l'espérance et au désespoir, l'abbé Sulpice cherchait dans Paris le forçat évadé qui tenait dans ses mains la destinée de sa famille. Chaque jour il sortait, allant dans les rues au hasard, ayant devant lui un but unique. Il visitait les prisons, traversait les quartiers immondes, fouillait du regard les groupes, interrogeait le soir les figures sombres, suivait des hommes dont l'allure lui rappelait Jean Machu. La fièvre ne le quittait plus, ses nerfs lui semblaient tendus douloureusement comme les cordes d'un instrument qu'une torsion de plus ferait rompre. Il rentrait tard, brisé de fatigue, la tête en feu, les pieds endoloris. La prière lui semblait alors un rafraîchissement ineffable. Il y trouvait non l'oubli, mais la force. Et le lendemain, soutenu par sa tendresse fraternelle, il recommençait sa course et s'attendait toujours à se trouver au milieu de la nuit, face à face avec le meurtrier de son père. Un jour, Sulpice passait sur les quais. Il faisait grand soleil. La foule était nombreuse, pimpante. Sulpice se trouvait à ce moment proche de la conciergerie. Le long du quai, sur les parapets, les bouquinistes laissaient leurs boîtes ouvertes aux chalands. Après le dernier brocanteur de volume, un groupe compact environnait un homme ayant devant lui une petite table placée sur des X en bois. Cette table remplaçait la rampe d'un théâtre et servait à isoler le charlatan de la foule qui faisait cercle autour de lui. Vêtu d'une sorte de paletot de velours sombre et tenant à la main un chapeau de feutre noir, l'acteur, en plein vent, mime d'une grande habileté, changeait l'expression de son visage avec une rapidité et un art merveilleux. Le chapeau prenait toutes les formes et chacune d'elles, jointe au mouvement des muscles de la face, variait à rendre méconnaissable la figure du grimacier. Les enfants riaient aux larmes, les bonnes oubliaient leur commission, les badauds se gaudissaient de joie et à chaque minute la foule, devenant plus nombreuse, rendait le passage plus difficile. Attirés eux-mêmes par cet étrange spectacle, les sergents de ville oubliaient de dire « circuler » et Sulpice, au moment de traverser la chaussée, se vit dans l'impossibilité de faire un pas. Le hasard lui fit lever la tête vers le grimacier. La lueur rapide d'un souvenir le frappa. Rien dans cet homme ne paraissait cependant au premier abord devoir troubler Sulpice. Le saltimbanque exerçait son métier avec une aisance familière. Il riait, il gouaillait, il avait le mot joyeux, l'allure bon enfant, et cependant Sulpice ne put s'empêcher de donner à cette face, aux expressions multiples, le nom de Jean Machu, le forçat. La fixité du regard de l'abbé Pomereul exerça, sans nul doute, sa puissance de fascination sur le grimacier, car il eut un froncement de sourcils qui n'échappa point à l'abbé Sulpice, et il sembla au jeune prêtre qu'il perdait quelque chose de sa verve habituelle. Une étincelle jaillit des yeux du saltimbanque. La crainte et le défi s'y mêlaient de telle sorte que, si le prêtre eût conservé des doutes sur l'identité du sinistre personnage, ces doutes se seraient dissipés à l'instant même. Une sorte de lutte s'établit à partir de ce moment entre l'abbé Pomereul et Jean Machu. Celui-ci cherchait le moyen d'échapper au prêtre. Sulpice, remerciant Dieu de placer enfin devant lui le meurtrier, était bien résolu à le suivre partout où il irait et à l'attendre tant qu'il lui plairait de se donner en spectacle au public. Jean Machu sentit son entrain diminuer à mesure que l'irritation grandissait dans son esprit. Quelque chose que l'abbé Pomereul eut à lui dire, il s'effrayait d'un entretien avec lui, ne trouvant plus l'inspiration nécessaire pour le spectacle dont il avait jusqu'alors régalé gratis les badauds. Jean Machu frappa sur l'épaule d'un garçon de 14 ans environ, dans lequel il était facile de reconnaître Pomme d'Api, et lui dit d'une voix rude « Mou un air, je vais débiter des savons !» Tandis que l'orgue de Barbarie enlevait son ouverture à la force du poignet, Jean Machu, tout en surveillant de l'œil l'abbé Sulpice, tira du tiroir de sa table des fioles de verre remplies d'une liqueur rouge et des pains de savon enveloppés de papier doré. Réciter son boniment ordinaire lui semblait moins difficile que d'improviser les lazzi par lesquels il annonçait un de ses multiples changements de physionomie. L'ouverture était finie, il s'agissait de jouer la pièce, de faire recette et de quitter ensuite la place afin de savoir à quoi s'en tenir relativement au fils de M. Pomereul. L'abbé Sulpice s'était approché de la boîte de livres d'un bouquiniste et semblait occupé à parcourir un vieux livre latin. Mais son regard ne quittait pas Jean Machut et le forçat devinait qu'il ne lui servirait de rien de tenter d'échapper à cette surveillance. Il frappa donc sur la tête de Pomme d'Api. « Assez d'harmonie, dit-il. Faut pas dégoûter les gens du conservatoire. » Puis, déchirant l'enveloppe d'un de ses morceaux de savon, il commença. « Messieurs et mesdames, le savon à détacher que j'ai l'honneur de soumettre à votre appréciation éclairée a été honoré du choix de toutes les têtes couronnées de l'Europe. Sa Majesté britannique s'en sert pour les mains. Le roi de Prusse le fait mousser sur son visage avant de se faire la barbe. Il remplace avantageusement la saponnaire dans laquelle les ménagères frottent leur lainage, les copeaux de Panama et la carbonate de soude. Approchez, jeune homme timide, poursuivit le charlatan en empoignant par l'épaule une sorte de câlinot qui l'écoutait, bouche béante. La bonté de votre mère vous a doté d'un veston tout frais sorti du magasin qui n'est pas au coin du quai. Voyez, messieurs et mesdames, la fraîcheur de l'étoffe. Je renverse sur ce veston une fiole d'huile, comme cela. » Machut vida en effet un flacon sur la veste du malheureux garçon qui fit d'incroyables efforts pour s'arracher à l'étreinte du forçat, mais qui ne réussit qu'à faire opérer un craquement dans l'entournure de son vêtement. « Patience, jeune adolescent !» fit Jean Machut avec un éclat de rire timbré. « Je ne me serais pas permis de détériorer un veston de 30 francs 75 si je ne possédais le moyen de lui rendre son premier lustre. Voyez la tache, messieurs. Elle a grandi à vue d'œil. Elle couvre tout le dos du vêtement. Eh bien, je la frotte d'un morceau de savon, de mon incomparable savon à détacher, et soudain, elle pâlit, s'efface, disparaît, sans qu'il en reste de vestige. Et maintenant, jeune homme, je vous remercie de vous être prêté de bonne grâce aux expérimentations de la science. En avant la musique !» Pomme d'Api joua une valse, et pendant ce temps, 20 bras se tendirent vers le marchand de savon. « De l'ordre » fit-il. « De l'ordre ! Pour vous, madame, 2 pains de savon, un seul la jolie cuisinière, et vous, brunette, voilà, voilà, faites-vous servir. Il n'en reste que 24 à 15 centimes la pièce. » Machut écoula toute sa marchandise. Sulpice continuait à feuilleter des livres. Un moment, le forçat crut avoir échappé à la surveillance du jeune prêtre. Il enleva rapidement les planches de sa table des X qui les soutenaient, les plaça sous le bras de Pomme d'Api et lui dit tout bas « Dès à la droite, je file à gauche. Rendez-vous chez Mathusalem. » L'abbé Pomereul n'avait rien perdu de cette scène, mais s'il était résolu à parler à Jean Machut, il l'était aussi à tenir sa promesse. Sa conscience était trop rigide pour l'autoriser à compromettre de quelque façon que ce fût le secret du forçat. Il feignit donc de le perdre de vue, mais à peine le misérable eut-il tourné la rue la plus proche que l'abbé Pomereul le suivit à distance. Jean Machut se retourna. Un embarras de voiture l'empêcha de distinguer Sulpice au milieu de la foule, et quand il se crut sûr d'avoir fait perdre ses traces, il entra résolument dans la rue Gilles-le-Cœur. Arrivé sur le seuil de la maison de Mathusalem, il se retourna de nouveau, mais il ne vit personne. L'abbé Pomereul venait de se dissimuler dans l'ombre d'une allée. Résolu à attendre la nuit pour avoir avec Jean Machut un entretien décisif, il s'accota contre la muraille et resta immobile. Il lui fut facile de voir, du point d'observation qu'il s'était choisi, les pensionnaires accoutumés de Mathusalem entrer dans la boutique de ferraille. Le jour baissa, puis la nuit vint. Une nuit noire, sans lune, sans étoiles. Peu à peu, les clients de Mathusalem quittèrent la pension bourgeoise. Jean Machut quitta la boutique le dernier. Les regards investigateurs qu'il jeta autour de lui ne lui révélèrent point la présence de l'abbé Sulpice, et il fit, en passant devant la sombre allée dont les noires profondeurs défendaient Sulpice, un geste qui signifiait « Je m'en moque pas mal ». Jean Machut passa devant la place Saint-Michel et suivit le quai, laissant à sa gauche l'Hôtel-Dieu et Notre-Dame. Il se trouvait complètement perdu dans cette nuit opaque quand le bruit d'un pas rapide lui fit tourner la tête. Il attendit alors pour s'assurer tout de suite si celui qui le suivait avait un but ou s'il s'agissait simplement d'un promeneur. Une main se posa brusquement sur son bras et le força à étouffer un cri. « Tu ne te trompes pas, Jean Machut, » dit une voix tremblante d'émotion. « C'est moi. Vous m'aviez promis d'oublier. »« J'ai promis de ne pas te trahir. » »« Ne comprenez-vous point que votre présence seule est pour moi un danger ?»« Oui, si je t'avais adressé la parole en face de la conciergerie, que tu sembles couver du regard, » pour savoir si elle ne rendra point sa proie. Tu sais donc, Jean Machut, le résultat de ton crime, le fruit de ton habileté diabolique. Oui, répondit le forçat. Tu sais que mon malheureux frère est accusé à ta place, et qu'à ta place, peut-être, il sera condamné. Que voulez-vous que j'y fasse? Demanda le forçat d'une voix âpre. Ce que je voulais pour mon compte, c'était l'impunité. La justice s'égare. « Ce n'est pas mon affaire. Votre frère a pour lui son innocence, et vous lui avez trouvé un fameux avocat. »« Et tu n'as point frémi à l'idée que, voyant mon frère dans cette situation terrible, je l'en tirerais à quelque prix que ce fût ?»« Non, » dit tranquillement Jean Machut. « Tu te trompes peut-être, Jean. Je suis un homme faible, malheureux, dont la raison chancelle. » Accablé sous le poids d'un cruel devoir, je ne sais plus à cette heure discerner le juste de l'injuste. Mon frère m'a maudit, mon frère mourra en désespéré quand il sortira flétri du tribunal des hommes. Machut, souviens-toi que je t'ai sauvé, rappelle-toi que je t'ai promis le secret avant de savoir quelles conséquences fatales il entraînait pour les miens. Je te donnerai leur volée, je te pardonnerai le sang répandu. Je ne puis supporter l'idée que pour te sauver, toi, j'enverrai mon frère à l'échafaud. Vous avez promis, vous devez tenir. Impitoyable, tu es impitoyable. Écoutez, si la tête de votre frère ne tombe pas, c'est la mienne qui roule. Je défends ma peau et ma vie. J'y tiens à cette loque traînée dans tous les égouts. Et il faut que j'y tienne diablement pour la disputer de la sorte. Vous ne parlerez pas. Je serai tous les jours devant la conciergerie, et vous ne me suivrez plus. Je serai dans la salle de la cour d'assises, et vous vous tairez. Mais si je te procurais le moyen de fuir, de passer en Amérique, si je doublais ta fortune, ne consentirais-tu pas à avouer ton crime? Ça, dit Machut, ça ne se peut pas à cause de l'extradition. Ainsi, mon frère est perdu, perdu sans ressources. Je croyais, dit en raillant Radecave, que vous comptiez sur la justice de Dieu. Je m'y soumets, répondit le prêtre. Je ne l'interroge pas. Jean Machut s'arrêta. Écoutez, lui dit-il, un entretien plus long entre nous n'amènerait aucun résultat. Vous avez juré de vous taire, tenez votre promesse. J'ai juré de me taire devant la foule, devant les magistrats, devant les juges. Ce serment, je l'ai tenu. Je n'ai point promis de ne pas m'adresser à qui garde le pouvoir de me relever de mon serment. Écoute, Jean, il faut que la religion que je professe et que j'enseigne soit bien grande et bien sublime pour que j'obéisse comme je le fais aux lois qu'elle édicte. Eh bien, au nom de cette foi, je te promets le pardon de mon maître et jusqu'à l'indulgence des hommes. Mon frère a 20 ans. Il porte un nom respectable. Ma sœur Sabine est un ange. Nous voilà tous déshonorés, perdus pour toi, pour toi. Oui, je comprends, dit Maché. Pour moi, le forçat évadé, le cheval de retour, celui que la justice empoignera un jour ou l'autre à propos d'un nouveau méfait, celui qui, ayant passé par le bagne, appartient d'avance à l'échafaud. Eh bien, c'est pour cela peut-être que je tiens davantage aux quelques années, aux quelques mois, aux quelques jours qui me restent à vivre. J'ai de l'argent, plus que je n'en ai jamais palpé dans ma vie. Je veux en jouir, me vautrer dans l'orgie, me rouler dans l'opulence comme un pourceau. Après cela, Charlot fera de moi ce qu'il voudra, et ce sera l'heure de me réciter vos homélies. Jusque-là, au large, monsieur l'abbé, vous ne me connaissez pas. Sulpice s'attacha des deux mains aux vêtements du misérable. « Oh, fit-il, j'ai mal dit sans doute ce que je voulais te dire. Tu ne comprends pas mon angoisse, la lutte intérieure qui me brise et me tue. Pitié, grâce, écoute, je ne me souviens pas avoir fait le mal dans ma vie. J'ai vécu pour les pauvres et pour Dieu. Eh bien, me voilà à tes pieds. Je prie, je pleure, la vie de mon frère. Donne-moi la vie de mon frère. » Jean Machu essaya d'échapper à l'étreinte de l'abbé Sulpice, mais le malheureux prêtre, comprenant que jamais sans doute une occasion semblable ne se représenterait, se cramponnait à son bras avec une énergie désespérée. La colère de l'ancien forçat, combattue par un sentiment d'admiration et de pitié, l'emporta bientôt sur deux sentiments si opposés à sa nature. Il cessa de voir dans Sulpice celui qui le protégeait par son silence, pour ne plus trouver en lui que l'ennemi de son repos. « Laissez-moi, dit-il, je vois rouge. »« Mon frère, répéta Sulpice, grâce pour mon frère. » Jean Machu se redressa, se campa solidement sur ses jambes et d'un brusque élan, se jetant subitement en arrière, il repoussa l'abbé Sulpice de toute la force musculaire de ses poignets et le jeune prêtre tomba lourdement sur le trottoir. Sa tête s'ouvrit, heurtant le parapet du quai, et le sang s'échappa à flots de sa blessure. Jean Machu s'enfuit en courant.